maquillée, tout le monde chuchote. Il voudrait la chuchoter, la shooter comme dans Chotal. C'est une alien, un dérivé d'Alia. Une folle alliée qui sourit pour créer le lien. Dites-moi qui est elle. Dites-moi qui est elle. Dites-moi qui est elle. Dites-moi qui est elle. Je suis vu l'âme m'observer dans son petit verre, le diabolo. Dites-moi qui est-elle, elle apparaît comme la plume. Elle est chinoise, pelle blonde à moitié brune. Ouh, oh, elle ne veut pas me laisser. Cette fille provoque des désirs. Mais ça depuis des décennies. Je suis au bout de mon cauchemar, mais c'est pas fini. Elle ne veut pas me laisser. Pourtant mon cœur est blessé. Elle provoque des désirs. Au bout du cauchemar, mais c'est pas fini. À qui dois-je m'adresser? Cette fille-là m'a agressé. J'arrête pas de m'engraisser. Comment vais-je progresser? Maintenant tu regrettes. Nous on se développe, tu caches dans des enveloppes. J'ai vu mes rêves s'envoler, libre comme une antilope. Elle est anti-moi, pourtant elle est rentrée chez moi. On a fait un bout de chemin. Elle me suit comme une entité. Moi je la fuis, car je n'en peux plus. Nous on vise que la qualité. Ma chérie, mon amour, je vais pas valider. Ouh, oh, elle ne veut pas me laisser. Cette fille provoque des désirs. Mais ça depuis des décennies. Je suis au bout de mon cauchemar, mais c'est pas fini.